marcher toute sa vie en troupe, marcher toute sa vie en troupeau, marcher toute sa vie en groupe, et marcher toute sa vie en couple, et marcher toute sa vie ensemble, marcher toute sa vie on se ressemble, marcher toute sa vie en foule, et marcher toute sa vie. Mais pas de sens quelle solitude, pas de chance quelle solitude, pas de sens quelle solitude, pas de chance quelle solitude. Marcher toute sa vie ensemble, marcher toute sa vie on se ressemble, marcher toute sa vie on se déçoit, et marcher toute sa vie en somme. Mais pas de sens quelle solitude, pas de chance quelle solitude, pas de sens quelle solitude, pas de chance quelle solitude. Marcher toute sa vie devant soi, marcher toute sa vie on se déçoit, marcher toute sa vie sur les routes, et marcher toute sa vie en groupe. Mais pas de sens quelle solitude, mais pas de chance quelle solitude, pas de sens quelle solitude, pas de chance quelle solitude. Jusqu'à la dernière transhumance, on avance. Jusqu'à la dernière transhumance, on avance. Jusqu'à la dernière transhumance, on avance. Jusqu'à la dernière transhumance, on avance. On avance. Avance.